Hey mama, j'ai tant de choses à te dire, mama. Je réalise que j'ai eu tort. Maintenant j'ai compris. Hey mama, aujourd'hui que je vis loin de toi, entends-tu la voix qui implore d'un fils que l'amour a meurtri? L'amour s'est envolé. Hey mama, un homme qui tombe à genoux, mama, qu'il soit pauvre ou bien cousu d'or, n'est qu'un enfant désemparé. Hey mama, j'ai tant de choses à te dire, mama. Je réalise que j'ai tort. Maintenant j'ai compris. Hey.